Russe, ruse. Coussin, cousin. Tresse, treize. Race, rase. Oser, oser. Basse, base. Onze, onze. Cirque, cirque. Aussi, aussi. Classe, classe.